direction, en direct de Pluton. On fait monter le son, et sans modération, on allume le gazon, pour pouvoir monter vers la voie lactée. Avec notre son reggae, tu vas pouvoir danser, et ainsi fêter le début de l'été. T'inquiète pas mon gars, on est blindé, et de là où on est, on va t'ambiancer. Alors sors de ton canapé et allume ton tarpé. Tu pourras planer sans t'arrêter, car avec nous petits, tu vas voyager au doux pays du Royal Marley. Et ça fait oh, constellation, la tête dans les étoiles. Direct de la voie lactée, voilà que je suis foutu, y'a de l'ambiance dans ma teuté. J'pense pas au réveil, les yeux rouges écarlates, pas besoin de fumer pour respirer les grosses lattes. Alors oui, je me tape des barres seul, tout posé sur une étoile avec ma drogue douce. J'visionne la terre et les planètes alentours. J'rallume mon con cognon, c'est pour ça que j'tousse. J'marche sur la tête, man, comme dirait Shrek, j'suis boulec. J'vois plus clair des culs de bouteille en guise de lunettes. Oh, c'est plus des yeux, c'est des lampadaires. Avec mes potos, on éclaire la ville. Si la gaieté, c'est de l'oseille, on est multimillionnaire. On sourit avec de la royal cheese. Et ça fait oh, constellation, la tête dans les étoiles. Dans les idées.